Je suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 73, 28. Bonne condition d'écoute. Alléluia. Père, nous te bénissons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, ce culte n'a pas de valeur si tu n'es pas là. Nous bénissons parce que ta présence est au milieu de nous. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là. Nous sommes en train de te rendre gloire et honneur. Tu mérites tout, Seigneur. Ce que nous sommes, c'est le fruit de ton amour. Nous sommes le fruit de ta grâce. Qui pouvait mériter ce que nous sommes? Merci Jésus. Merci pour l'œuvre parfaite de la croix. Merci de là où tu nous as tirés, Seigneur. Des vies bizarres. Mais tu es en train de nous travailler, Seigneur. Merci, Seigneur. Fais encore quelque chose ce soir. Touche encore nos vies, Seigneur. Touche encore nos cœurs. Que nos vies comptent devant toi. Que nos vies soient dignes devant toi. Merci, Seigneur. Fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur et nous prenons place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu. Namshukuru Mungu. Pour le souffle de vie qui m'accorde encore. Kwa pumzi anipayo tena leo. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Nambariki Mungu juu ya uwepo wako. Nous poursuivons. Tunaendelea. Dans ce grand thème intitulé inayokuwa. Une vie qui compte devant l'Éternel. Maisha inayokuwa na samani mbele za Mungu. Telle est la grande pensée de ce séminaire. Hii ni wazo kubwa la mkutano huu. Une vie qui compte devant Dieu. Maisha inayokuwa na samani mbele za Mungu. Et à cela nous étions en train de dire depuis dimanche. Tulikuwa tukisema tangu siku ya Jumapili. Que dans le cœur de Dieu il y a plusieurs préoccupations. Ndani ya moyo wa Mungu kuna pana maswali mengi. Mais l'une des grandes préoccupations de Dieu. Moja wapo wa swali alizonazo. Est que la vie des êtres humains compte devant lui. Ni kwamba maisha ya mwanadamu ikue na samani mbele zake. Que la vie des êtres humains soit digne devant lui. Maisha ya wanadamu iwe na kustahili mbele zake. Et nous étions en train de dire. Tulikuwa tukisema. Pour que cette vie compte. Ili kwamba hiyo maisha iwe na samani. Pour que cette vie ait du prix devant Dieu. Ili kwamba hiyo maisha iwe na bei mbele zake. Elle doit manifester ou distiller son sens d'être. Inapaswa kuonesha maana yake ya kuwa. Dieu nous a créés pour une mission. Mungu ametumba kwa ajili ya misioni. Et nous existons pour un but divin. Na tunaishi kwa ajili ya lengo fulani ya kimungu. Hallelujah. Amen. Et par là, nous étions en train de dire na tulikuwa tukisema, une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie qui impacte positivement. Ni maisha inayokuwa na shawishi vizuri. L'impact peut être positif ou négatif. Ushawishi unaweza kuwa bora ama mbaya. Mais lorsque nous parlons d'une vie qui compte devant Dieu, tunapongelea maisha inayokuwa na maana mbele za Mungu. Ou une vie qui a un sens devant Dieu. Ama maisha iliyo na mafaa mbele za uso. Nous sommes en train de parler d'une vie qui a de l'impact positif. Tunaongelea maisha iliyo na ushawishi bora. Parler d'une vie qui a un sens devant Dieu. Maisha iliyo na mafaa mbele za Mungu. Revient aussi à parler d'une vie qui est utile devant l'Éternel. Inatusukuma kuongelea maisha inayokuwa na thamani mechoni pa Mungu. Nous avions abordé la parabole du figuier. Tuliongelea hiyo mfano wa mti. Le Seigneur Jésus arrive, la Bible dit 3 ans. Yesu Kristo akafika devant le figuier. Mbele za mti huyo. Il n'avait pas trouvé le fruit. Akupata matunda. Et le Seigneur Jésus dit, na Yesu akasema, coupe-le. Kata hiyo mti. Et j'aime la question qu'il ajoute. Napenda swali aliongeza. Le Seigneur dit, Yesu akasema, pourquoi occupes-tu la terre inutilement? Mti hii inakamata udongo kwa bure. Une vie qui compte, une vie qui a un sens. Maisha inayokuwa na mafaa. C'est une vie qui est productive. Ni maisha inayozaa. Nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux. Tumesoma katika Waibrania. La Bible dit ceci. Biblia inasema. Une terre qui reçoit la pluie à tout moment. Udongo unaopokea mvua mara nyingi. Elle est censée produire une herbe utile. Unapashwa kutoa mboga nzuri. Mais lorsque elle produit des épines et des charbons. Wakati unatoa miiba na michongoma. La terre est maudite. Yo udongo unalaniwa. Et ce qui suit, na inayofuata, elle mérite le feu. Inastahili kuchomwa. On a lu dans Hébreux chapitre 6 sur les versets 7 à 8. Wa Ibrania 6 7 hadi 8. Et nous étions en train de scinder ou de résumer nos interventions dans deux chapitres. Mahubiri yetu tulifupisha kwa chapter 2. Et le premier chapitre, sura ya kwanza, abordant les sous-thèmes que j'ai commencé à aborder depuis dimanche. Nilikuwa nikiongelea mada ndogo tangu siku ya Jumapili. Comprendre la vie qui a un sens. Kuelewa maisha inayokuwa na thamani. Et pour comprendre cette vie, nilikuwa tuelewe hiyo maisha. De manière large et profonde. Kwa hali ya urefu na kinaganaga. Nous avions scindé nos interventions dans deux chapitres. Tunakuwa na sura mbili tuliweka hapo. Le premier chapitre. Sura ya kwanza. Porte sur les portraits d'une vie qui a un sens. Inakuwa picha ya maisha inayokuwa na mafaa. Et le deuxième chapitre. Na sura ya pili. A trait. Inakuwa. Au facteur de développement d'une vie qui a un sens. Mambo inayofanya kwamba maisha ya maana izidishwe. Abordant déjà le premier chapitre. Tunapongelea mada ya kwanza. Nous avions parlé de quatre facettes. Tuliongelea picha. Ama pointi ine. Pour nous amener à comprendre. Ili kwamba tuweze kuelewa. Le portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha iliyo na maana. Parce que si nous ne comprenons pas. Kama tuelewi. Ça risque de rester comme une fiction. Inaweza kuwa kama vile fikra. L'église aujourd'hui reste avec des concepts. Kanisa linabaki tu na misemwa. C'est l'année de tel, c'est ceci ou cela. Ni mwaka wa mambo fulani. Mais nous appliquons mieux ce que nous comprenons. Lakini tunafanya vizuri yale ambayo tunaelewa. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas. Kama tuelewi. Ça ne nous servira à rien. Haitatufaidia. J'aime ce que Philippe dit à l'Éthiopien. Napenda hiyo Filipo anambia huyo mtu wa Ethiopia. Il était en train de lire le rouleau du prophète Esaïe. Alikuwa akisoma kitabu cha Isaya. Il lui pose la question. Akamswali. Pas combien de temps tu as commencé à lire? Umeanza soma na kuwa muda ngapi? À combien de prix tu t'es accusé ces rouleaux? Ni muda gani ulianza kusoma iki kitabu? Mais il va dans le fond. Lakini akaingia kinaganaga. Et lui dit, comprends-tu ce que tu dis? Akamwambia, je unaelewa yote unayosoma? Il est possible de lire sans comprendre. Yawezekana kusoma pasipo kuelewa. Mais il y a une thématique, une pensée a beaucoup plus d'importance lorsqu'elle est comprise. Mada inakuwa na mafaa wakati inaeleweka vizuri. Et je l'ai dit depuis le début. Nilisema tangu mwanzoni. Dieu n'a jamais eu l'intention de nous parler pour nous compliquer la compréhension. Lengo ya Mungu anapoongea haiko kutusumbua tusielewi. S'il le voulait. Kama angelitamani. Aucun être humain, même les apôtres, personne n'allait saisir la pensée de Dieu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye angelielewa wazo la Mungu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Hakuna anayejua mambo ya Mungu isipokuwa Roho Mtakatifu mwenyewe. Et c'est par sa grâce qu'il nous révèle. Na ni kwa neema yake anatufunulia. Afin que nous ayons une compréhension. Ili kwamba tuwe na ujuzi. Pour bien appliquer ces choses. Tuelewe na kufanya mambo yale vizuri. Alléluia. Amen. Et par là nous avons parlé de quatre facettes. Na tumeongelea uso ine. Pour bien expliquer le portrait d'une vie qui a un sens. Ili kwamba tufasirie picha ya maisha iliyo na thamani. Nous avons dit la première facette. Uso wa kwanza. Une vie a un sens. Maisha inakuwa na lorsqu'elle est vécue dans sa destinée. Wakati unaishi ndani ya hatima yako. La vie a un sens. Maisha inakuwa na maana. Lorsqu'elle est vécue dans sa raison d'existence. Wakati unaishi ndani ya sababu ya kuwa kwako. Et à cela nous avions dit. Na hapo tulisema. Nous n'avons pas à tâtonner dans la vie. Atupashwe kubabaika babaika maishani. Avant notre création, Dieu a prévu la mission de tout un chacun. Kabla kila mtu kumbwa, Mungu aliandaa kazi ama misioni yake. Dieu a prévu la mission de tout un chacun. Mungu aliandaa misioni juu ya kila mtu. Pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'on soit des Cléopas partout? Kwa nini Mungu akuruhusu kwamba tuwe mahali pote? Parce que le temps allait nous prouver que nous n'avons pas tout le temps. Sababu muda ingelitonesha kwamba hatuna wakati yote. Et la qualité prouvera tôt ou tard. Na hali njema itaonesha nyuma. Que nous ne sommes pas appelés à tout faire. Ya kwamba hatukuitwa kufanya yote. C'est pourquoi les apôtres. Ndio maana mitume. Dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Ndani ya Matendo ya Mitume sura ya 6. Lorsque le grand nombre de disciples augmentait. Wakati kanisa lilikuwa likipanuka. Le partage devait commencer à poser problème. Kugawanya mambo, kugawanya vitu ilikuwa inaanza kuwa shida. J'aime ce que Pierre dit. Napenda hiyo Petro anasema. Et nous ne serons pas nous-mêmes être à la table pour partager. Sisi wenyewe hatutaweza kuanza gawanyia watu. Et rester dans le ministère de la parole et la prière. Na kuendelea kuhubiri injili. L'apôtre dit. Choisissons parmi nous des hommes qui ont un témoignage, des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent s'occuper de ces choses. Et nous allons rester dans le ministère de la parole et la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions dit c'est difficile de nous-mêmes de connaître notre raison d'existence. Mais ce qui est difficile à nous est possible à Dieu. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Jérémie 33:3, je paraphrase. Nous avons dit la destinée très capitale parce que Dieu attend que quelque chose dans cette destinée. Il y a notre prochain qui attend quelque chose dans cette destinée. Et nous-mêmes, nous sommes bénéficiaires de notre destinée. Alléluia. Amen. Et par là, nous étions en train de dire, plusieurs connaissent déjà les raisons d'existence. C'est bon. Et nous avions dit, de travailler efficacement. Inabidi kutumika vizuri. Et ceux qui ne connaissent pas encore, wale ambao wajajua, la porte est ouverte. Mlango umefunguliwa. Demandons à Dieu. Tuombe Mungu. Et c'est possible. Na inawezekana. Parce que nous risquons de réussir sur la terre. Tunaweza kufaulu hapa duniani. Les hommes peuvent acclamer, les hommes peuvent approuver. Wanadamu wanaweza kupiga makofi na kusema tumeshinda. Mais ça peut être regrettable ce jour-là. Inaweza kuwa ole hiyo siku. Parce qu'en réalité, celui qui connaît les sorts de toutes choses, c'est Dieu lui-même. Yule anayejua matokeo ya watu wote ni Mungu mwenyewe. Il y a des choses que Dieu ne révèle pas à ses enfants, même à ses prophètes. Kuna vitu Mungu afunulie watoto wake. Il garde certains secrets pour lui. Anaweka siri fulani juu yake. Et ça prouve qu'il est Dieu. Na inaonesha kwamba yeye ni Mungu. Ça atteste qu'il est Dieu. Inakamilisha kwamba yeye ni Mungu. Il maîtrise le début et la fin de tout. Yeye anajua mwanzo na mwisho wa kila kitu. Deuxième facette. Picha ya pili. Nous étions en train de parler. Tulikuwa tukiongelea. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na thamani. C'est une vie qui répond aux besoins de sa génération. Ni maisha inayoleta jibu kwa hitaji za kizazi. La vie n'a pas de sens. Maisha ina maana. Lorsque ça ne résout pas les problèmes. Wakati ailete jibu kwa hitaji. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. J'étais en train de dire. Nilikuwa nikisema. La valeur d'une personne. Thamani ya mtu. Ne repose pas sur son positionnement. Haiko juu ya kiti alionayo. La valeur d'une personne. Thamani ya mtu. Ne repose pas seulement sur ses avoirs. Haiko juu ya mali alionayo. Mais la valeur d'une personne. Lakini thamani ya mtu. Repose sur sa capacité à résoudre les problèmes. Inakuwa juu ya mamlaka yake ya kuleta jibu kwa shida. Que ça soit dans le séculier. Iwe ndani ya kazi. Que ça soit dans le spirituel. Iwe ndani ya mambo ya kiroho. Les hommes et femmes qui ont écrit les pages de leur histoire. Watu walioshawishi majira yao. Ils ont résolu les problèmes. Walileta jibu kwa mashida. Hallelujah. Amen. C'est ce que Paul est en train de dire en parlant de Philémon. Niyo Paulo ako nasema wakati anaongelea Philémon. Pendant qu'il est en prison en Italie. Anapokuwa ndani ya jela. Paul dit. Paulo anasema. Je suis content de la qualité de ta foi. Nafurahia hali njema ya imani yako Philémon. Et Paul ajoute en disant. Na Paulo anaongeza akisema. Par ta charité. Kupitia upendo wako. Le cœur des saints a été tranquillisé. Mioyo ya watakatifu imetulia. Parlant de l'esclave de Philémon qui est Onésime. Anapongelea yule mtumwa ambaye ni Onésime. Qui a eu à recevoir Christ pendant que Paul était emprisonné en Italie. Ambaye alipokea Kristo wakati Paulo alikuwa amefungwa. L'apôtre Paul prouva la valeur d'Onésime plus tard. Mtume Paulo akaongelea umuhimu wa Onésime baadaye. Il dit à Philémon. Akamwambia Philémon. Je te renvoie. Na kutumia. Mes propres entrailles. Yule aliyetoka tumboni mwangu. Onésime. Onésime. C'est lui qui était autrefois inutile. Yule ambaye zamani hakukuwa na maana. Mais aujourd'hui, lakini leo, il est utile. Anakuwa mafa. À toi et à moi. Kwako na kwangu. Et comme preuve. Na hakikisho. Paul écrit l'épître aux Colossiens. Paulo anaandikia wa Kolosai. Qui va envoyer ça à Colosse? Nani sorry. Qui va amener à Colosse l'épître? Nani ambaye atabeba iyo kibarua pa Koloso? C'est Onésime et Tichiko. Ni Onésime na Tichiko. Ce que je dis est en accord avec Colossiens chapitre 4 le verset 9. Iyo ni katika kitabu cha Wakolosai 4:9. Hallelujah. Amen. Et ne le considère ni même plus comme un esclave. Na aonekane tena hapo kama mtumwa. Considère-les comme un bien-aimé. Anamkamata kama vile mpendwa. Lorsque la vie a un sens, wakati maisha yako inakuwa na mafaa, le statut peut changer. Hali yako inaweza kubadilika. Un esclave peut avoir de la valeur. Mtumwa inawezekana awe na mafaa. Quelqu'un qui était méprisable, mtu ambaye alikuwa na dharaulika, peut être utile. Anaweza geuka wa maana. Lorsque sa vie distille son sens, wakati maisha yake inaripua maana yake. Hallelujah. Amen. Troisième facette. Uso watatu. J'étais en train de dire. Tuliongelea. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie qui participe à l'épanouissement du royaume de Dieu. Ni maisha inayoshiriki kwa kupanuka kwa ufalme wa mbingu. Le royaume de Dieu peut être compris dans plusieurs domaines. Ufalme wa mbingu tunaweza kuelewa kwa ngazi nyingi. Mais le résumé, le royaume de Dieu aussi peut être compris comme un système. Kwa ufupi, ufalme wa mbingu ni kama vile mitumikio fulani. Le basilea. Mitumikio ya basilea. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. C'est une vie qui honore et glorifie le Seigneur. Ni maisha inayomtukuza Mungu. Et par là nous avions dit par la qualité de vie. Kupitia hali njema ya kuishi. La vie de sainteté. Maisha ya utakaso. L'obéissance à la parole. Kutii neno la Mungu. Et on a évoqué même le cas de Joseph. Na tuliongelea Yusufu. Dans cette grande tentation. Alijaribiwa. Mais Joseph dit, lakini Yusufu akasema, comment pécherai-je? Je nitafanya dhambi. Et comment commettrai-je un grand péché devant Dieu? Je nitafanya machafuko makubwa kama haya mbele za Mungu. Hallelujah. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Après avoir compris. Kisha kuelewa. Le portrait d'une vie qui a un sens. Picha ya maisha iliyo na maana. Ce qui vient par la suite. Inayofuata. C'est que vous et moi, ni kwamba wewe na mimi, nous devons aspirer à pratiquer ou à manifester cela. Tutarajie kuonesha yale. Sinon, ça risque de rester comme une information. Itabaki tu kama vile taarifa ya habari. Oh, la parole de Dieu ijapokuwa neno la Mungu, n'est pas là seulement pour nous informer. Aliko tu la kutujulisha. Mais beaucoup plus pour nous transformer. Zaidi ili kwamba litubadilishe. La parole doit passer de l'information à la transformation. Neno inapaswa kutoka kungazi la kusikia na kungazi la kubadilika. Comment manifester une vie qui a un sens? Je, tutaonesha maisha iliyo na mafaa ama faida. Comment pratiquer concrètement une vie qui a un sens? Je, tutaishi iyo kuwa na faida. Nous soupirons tous que nos vies aient un sens. Sote tunatarajia kwamba maisha yetu iwe na mafaa. Que nos vies comptent devant l'Éternel. Maisha yetu iwe na maana mbele za Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Pour y arriver, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs qui peuvent être évoqués à ce sujet. Et on va aborder le deuxième chapitre que j'ai intitulé le facteur de développement d'une vie qui a un sens. Mambo inayokomalisha maisha iliyo na maana. Le facteur de développement d'une vie qui a un sens. Vitu inayofanya kwamba tukomalishe maisha iliyo na faida. Hallelujah. Amen. Prenons deux textes. Tukamate usome mbili. Hébreux chapitre 6 le verset 7 à 8. Waibrania 6 7 hadi 8. Romains chapitre 12 le premier au deuxième verset. Warumi 12 1 hadi 2. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est dans Romains 12. Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Na wasi wa ndugu mutoe mili yenu kuwa dhabihu takatifu mbele za Mungu. Saint. Takatifu. Agréable à Dieu. Inayokuwa na thamani mbele za Mungu. Ce qui sera de votre part. Iyo itakuwa kwa ngambo yenu. Un culte raisonnable. Ibada nzuri. Le verset deuxième dit ceci. Verset ya pili nasema. Ne vous conformez pas au siècle présent. Musiwe kama kizazi cha leo. Mais soyez transformés. Lakini mubadilike. Par le renouvellement de l'intelligence. Na akili mpya. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu ni gani, ce qui est bon, nzuri, agréable jema, et parfait. Na kamilifu. Hébreux chapitre 6. Wa Ibrania 6. Lisons Hébreux chapitre 6. Wa Ibrania 6. Nous allons lire deux versets. Tasoma verse mbili. Le verset 7 à 8. Sabadi mnani. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et de charbon, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Hallelujah. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, la question est très capitale. Swali ni la muhimu. Que faire pour manifester une vie qui a un sens? Tufanye nini ili kwamba tufikie maisha iliyo na mafaa? Je veux que ma vie soit digne. Nahitaji maisha yangu istahili. Je veux que ma vie soit utile. Nahitaji maisha yangu iwe na mafaa. Mais que faire? Nifanye nini? Frères et sœurs, ndugu zangu, le premier facteur, jambo la kwanza, qui va nous aider, itakayotusaidia, à développer, kukomalisha, une vie qui a un sens, maisha iliyo na mafaa, c'est travailler son système de fonctionnement. Ni kutumika juu ya namna ya akili yako kutembea. Travailler son système de fonctionnement. Kutumika juu ya hali ya mitumikio yako. Travailler son système de fonction. Kurejesha hali ya mitumikio yako. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Travailler son système de fonctionnement. Kurejesha hali ya mitumikio yako. Revient à prendre soin. Inatusukuma à prendre soin de sa manière d'être et de faire. Inatusukuma kukesha juu ya namna yetu ya kuwa na ya kufanya. Travailler sur son système de fonctionnement. Kurejesha hali yako ya mitumikio. Revient à prendre soin. Inatusukuma kuhudumia kukesha sur sa manière d'être et de faire. Juu ya namna yako ya kuwa na ya kufanya. Afin que cela soit correct. Ili kwamba iwe nzuri. Correct par rapport à quoi? Nzuri kulingana na nini? L'épître de Paul aux Romains dit, kitabu cha Warumi inasema, que vous discerniez la volonté de Dieu. Mujue kutafautisha mapenzi ya Mungu. Premièrement, correct à la volonté de Dieu. Iwe nzuri kulingana na mapenzi ya Mungu. Deuxièmement, correct à la morale. Iwe nzuri kulingana na tabia njema. Nous vivons dans une société. Tunaishi ndani ya mazingara. Une société régie par des règles. Mazingara inakuwa na taratibu. Une société régie par des principes. Mazingara inakuwa na kanuni. Au-delà même de la volonté de Dieu. Zaidi ya matakwa ya Mungu. Il y a même certaines nations païennes. Kuna taifa zisizomjua Kristo. Qui ne croyaient pas au vrai Dieu créateur. Hawamwamini Mungu wa kweli muumbaji. Mais ces nations ont certaines règles. Hizo taifa zinakuwa na kanuni. Ont certains principes. Zinakuwa na taratibu. Qui ont fait que même ces nations aillent plus loin. Zilizofanya kwamba hizo mataifa ziendelee. Et ça peut arriver même. Inaweza fika. Qu'on soit enfant de Dieu. Tu watoto wa Mungu. Qu'on parle en langue. Tuongee kwa lugha. Qu'on ait plusieurs dons et grâces. Tuwe na karama nyingi. Les morts ressuscitent. Wafu wanafufuka. Tout le monde tremble. Kila mtu anatetemeka. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendo. Mais si ma manière d'être kama namna yangu ya kuwa n'est pas correcte, haiko nzuri par rapport à la volonté de Dieu, kulingana na mapenzi ya Mungu, et par rapport aux règles de la société, na kulingana na taratibu za mazingara yangu, plusieurs personnes viendront à côté de moi, wengi watanikaribia, à cause de la grâce que j'ai. Nilionayo. Mais mon système de fonctionnement, lakini namna yangu ya kukua, si n'est pas bon, kama si nzuri, plusieurs vont me quitter, wengi watakimbia tena. Plusieurs vont nous quitter. Wengi watanikimbia. La grâce peut attirer. Neema inavutia. Mais le fond de ça. Lakini iliyo ndani. Un homme a dit. Mtu mmoja alisema. Ce que tu écris fort. Kile ulicho inalalamika zaidi. Que je n'écoute ni même pas ce que tu dis. Na inafanya kwamba sisikia tayari unasema. En réalité ta vie de vraiment enseigner. Maisha yako ingelinifunza. Mais la manière dont tu vis. Namna jinsi unaishi. La manière dont tu es. Namna jinsi ulivyo. Ça ne concorde pas ce qui sort de ta bouche. Aïe, ambatane na mambo na yosema. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Dans cette saison. Ndani ya majira haya. Ma prière du fond de mon cœur. Maombi iliyo ndani ya moyo wangu. Pendant que même je préparais ce message. Nilipokuwa tani kiandaa ujumbe. J'étais en train de prier. Nilikuwa naomba. De dire à Dieu. Nikimwambia Mungu. Qui nous soigne. Ututengeneze. Que Dieu nous corrige. Utujenge upya. Que Dieu nous amène dans une bonne forme. Uturekebishe. Afin que nous ne soyons pas un obstacle pour les autres. Ili kwamba tusiwe kizuizo kwa wengine. La grâce c'est bon. Neema ni nzuri. Mais j'aime ce qui est dit. Lakini napenda nayosemwa. Pour le choix même des évêques. Wakati wanatamani kuchagua maskofu. L'apôtre dit à Timothée. Mtume namwambia Timotheo. Qu'il ne soit pas celui qui est arrogant et lui... Celui qui boit du vin, tout. Asiwe mtu mlevi mwenye kiburi na kadhalika. Mais il ajoute. Anaongeza. Qu'il ait aussi un bon témoignage. Awe na ushuhuda nzuri. Du gens du dehors. Ya watu wa nje. Ça nous arrive de dire. Inatufikia kusema. Ça ne vaut rien. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Moi, je compte sur le témoignage de Dieu. J'aimerais dire bien, mais ça c'est faux. C'est Dieu lui-même qui révèle à l'apôtre. Il dit qu'il usait aussi un bon témoignage des gens du dehors. Qu'est-ce que les gens du dehors disent de nous? Nous pouvons dire, vous êtes ivrognes, vous êtes impudiques, vous êtes ceci, mais ils disent quoi de nous? Tunaweza nous kuambia nini ni walevi, nini ni wa watu wabaya, lakini wao wanasema nini? L'apôtre Paul s'étonne dans la vie de Corinthe. Mtume Paulo anashangaa kwa maisha. Il dit, j'arrive même à trouver l'impudicité qui ne se remarque ni même pas chez les païens. Anasema ninakuta miongoni mwenu ukahaba ambao auonekane hata miongoni mwa wapagani. C'est qui veut dire que je suis archois? Aiko juu niko mtoto wa Ashe. C'est bon. Ni vema. Mais ce qui est mieux, ya muhimu zaidi, c'est la qualité de vie. Ni hali njema ya maisha. Sort de nous. Inayotoka ndani mwetu. C'est une année de progrès. Ni mwaka wa kuendelea. C'est une année de célébration. Ni mwaka wa kuinuliwa. Mais pour y arriver, ili kwamba tufikie hiyo, il faut que mon système de fonctionnement soit correct. Inabidi hali ya mitumikio yangu iwe bora. Hallelujah. Amen. L'apôtre Paul dit à Timothée. Mtume Paulo anamwambia Timotheo. 1 Timothée chapitre 4 le verset 16. Timotheo wa kwanza 4:16. Il dit ceci. Anasema ifuatavyo. Veille sur toi-même. Kesha juu yako mwenyewe. Et sur ton enseignement. Na juu ya mafundisho yako. Persévère dans ces choses. Dumu katika mambo yale. Car sababu, en agissant ainsi, unapofanya hivyo, tu te sauveras toi-même, utajiokoa mwenyewe, et tu sauveras ceux qui t'écoutent, na utaokoa wanaokusikia. Timothée, tu es appelé à impacter. Timotheo umeitwa kushawishi. Une vie qui a un sens. Maisha iliyo na maana. Ne commence pas à travailler la vie de l'autre. Iyo maisha ayanze kwanza kutengeneza maisha wengine. Ça commence par le travail de soi. Maisha iyo inaanza kwanza kujitengeneza wenyewe. Ça nous arrive qu'on s'oublie. Mara nyingi tunajisawaka. On est en train de voir juste le mal, les défaites des autres. Tunaona tu yo mazaifu ya wengine, mabaya yao. Mais nous ignorons ce qui est en nous. Tunasahau mabaya yetu. L'apôtre dit à Timothée. Mtume anamwambia Timotheo. Veille sur toi-même. Kesha juu yako mwenyewe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, veille sur toi. Namuomba mtu mmoja liye mali hapa, kesha juu yako mwenyewe. Veille sur toi-même. Kesha juu yako. Car en agissant ainsi, unapofanya hivyo, tu vas influencer plusieurs. Utashawishi wengi. Hallelujah. Amen. Afin d'aller plus loin, kabla mimi kuendelea, parlant de travailler son système de fonctionnement, ninapongelea kutengeneza hali ya mitumikio yetu. Je vais aborder 4 points. Nitaongelea pointi ine. Le premier point, je parlais de quelques vérités attachées au système de fonctionnement. Nitaongelea ukweli fulani zinazoungana na hali ya mitumikio. Le deuxième point, pointi ya pili, je vais parler de quelques effets toxiques du mauvais système de fonctionnement. Nitaongelea mambo mabaya inayoshawishi hali ya mitumikio yetu. Les effets toxiques, mambo mabaya, du mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya mitumikio. Le troisième point, pointi ya tatu, je parlerai de quelques testers d'un système de fonctionnement. Nitaongelea vipimo fulani ya hali ya mitumikio. Et le quatrième point, par la grâce du Seigneur, na pointi ya ine kwa neema ya Mungu, nous serons en train d'aborder la question comment rendre son système de fonctionnement correct. Tutasema juu ya namna gani kufanya hali ya mitumikio yetu kuwa njema. Abordons quelques vérités attachées au système de fonctionnement. Ukweli fulani inayoambatana na hali ya mitumikio. La première vérité. Ukweli wa kwanza. Le travail sur soi. Kutumika juu yako mwenyewe. Est l'un des facteurs qui a permis plusieurs personnes. Ni jambo ya muhimu iliyorahisisha watu wengi. Dans la Bible et dans notre société. Ndani ya Biblia na ndani ya mazingira yetu. A manifesté une vie qui a un sens. Kushawishi kuonesha maisha iliyo na maana. Le travail est sur soi. Kujitumikako. Ça arrive qu'on admire. Mara nyingi tunafurahia. Comment je peux être comme toi? Namna gani naweza kuwa kama wewe? Nous pouvons subir les mêmes problèmes. Tunaweza kukuta shida hiyo. Mais nous avons deux manières de réagir. Tunakuta shida moja lakini tunafanya tunaitatiza kwa hali mbalimbali. Mais quelqu'un peut se dire. Mtu anaweza kujiambia. J'aimerais aussi réagir comme toi. Natamani kuwa kama wewe. J'aimerais être comme toi. Natamani kuwa kama wewe. J'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu mmoja. Le travail de soi. Kujitumikako. N'est pas un don spirituel. Si karama. C'est une responsabilité de tout enfant de Dieu. Ni jukumu pekee ya kila mtoto wa Mungu. C'est là qu'ils ont reflété un bon système. Wale walionekana kuwa njema. Ils ont pris du temps à travailler sur eux-mêmes. Walikamata muda ya kujitengeneza wenyewe. Et j'aimerais dire. Natamani kusema. Que ce travail n'est pas automatique. Kazi hiyo haikuji kwa ghafla. Le travail sur soi c'est un processus. Kujitumika ko inaomba muda. Mais ce qui est important, iliyo ya muhimu, c'est de commencer à y travailler. Ni kuanza kujitumika ako. Deuxième vérité. Ukweli wa pili. Le système de fonctionnement, hali ya mitumikio, est la base de l'interaction des êtres humains. Ni musingi ya kugongana kwa wanadamu. Avec Dieu et avec leur prochain. Pamoja na Mungu na walio kando yao. Le système de fonctionnement, hali ya mitumikio, c'est la base, njo msingi, de l'interaction, ya mawasiliano, des êtres humains, ya wanadamu, avec leur créateur, na muumba wao, et avec leur prochain, na walio karibu na wao. Hallelujah. Amen. C'est que nous pouvons mal interagir avec Dieu. Hiyo ambao tunapofanya mawasiliano mabaya na Mungu. Nous pouvons aussi tunaweza vile vile mal interagir avec notre prochain. Kuwa na mawasiliano mabaya na jirani. Kaini vient de tuer Abel. Kaini anamuua Abeli. Dans Genèse chapitre 4. Ndani ya Mwanzo 4. Vous lisez du premier verset jusqu'au verset 9. Verset ya kwanza hadi ya 9. Le verset 9 Dieu pose la question à Caïn. Kwa verset ya 9 Mungu anamswali Kaini. Où est ton frère Abel? Ndugu yako Abeli ni wapi? Écoutez le degré du système de fonctionnement de Caïn. Sikia ngazi la hali ya mitumikio ya Kaini. Comment Caïn interagit avec son créateur? Namna gani Kaini anaongea na muumba wake? Caïn dit à Dieu. Kaini anamwambia Mungu. Je ne sais pas. Sijui. Je suis devenu le gardien de mon frère. Mimi nimekuwa zamu ya ndugu yangu. Depuis quand tu peux réagir comme ça? Tangu wakati gani unaanza kuongea hivyo? Depuis quand tu peux dire ça au créateur? Tangu wakati gani unaongea na Mungu namna hiyo? Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Nous pouvons bien interagir. Tunaweza kuongea vizuri. Tout comme nous pouvons mal interagir. Tunaweza vile vile kuongea vibaya. Avec notre Dieu. Pamoja na Mungu. Et avec notre prochain. Na pamoja na jirani. Mais la base de tout ça. Lakini msingi ya hiyo. C'est notre système de fonctionnement. Ni hali yetu ya mitumikio. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que l'église que nous puissions aspirer à un bon système de fonctionnement. Kanisa tufikie kuwa na hali njema ya mitumikio. Parce que plusieurs avantages sont contenus dedans. Sababu humo ndani pana faida nyingi. Une autre vérité. Ukweli mwingine. Le système de fonctionnement. Hali njema ya mitumikio. Détermine l'être et le faire d'une personne. Unaonesha kuwa na namna ya kufanya ya mtu. Nous sommes et nous faisons. Tunakuwa na tunafanya. Selon l'état de notre système de fonctionnement. Kulingana na hali ya mitumikio yetu ya ndani. Vous pouvez lire l'esprit d'une personne. Unaweza kusoma roho ya mtu. Vous pouvez lire la pensée d'une personne. Unaweza kusoma wazo la mtu. Quand même il parle. Hata wakati anapoongea. Même dans nos familles, hata ndani ya jamii zetu, tu peux arriver à découvrir certains pièges. Unaweza kugundua mitego fulani. Tu peux découvrir certaines choses. Unaweza gundua mambo fulani. Sans être prophète. Pasipokuwa nabii. Il suffit seulement que tu aies une vie attentive. Kama tu unakuwa mwangalifu. Derrière une pensée, nyuma ya wazo, il y a une action. Kuna tendo. Derrière une pensée, nyuma ya wazo, il y a une attitude. Kuna hali ya kuwa. Derrière une pensée. Nyuma ya wazo. Il y a un comportement. Kuna tabia. Pourquoi tu te comportes comme ça? Sababu gani unajikamata namna hii? Le problème c'est le système de fonctionnement. Shida ni hali ya mitumikio yako. Ce que nous ne pouvons pas cacher. Yale ambayo tuwezi kuficha. C'est notre système de fonctionnement. Ni hali yetu ya mitumikio. Nous pouvons marcher lentement. Tunaweza kutembea pole pole kama nous mapadri. Nous pouvons bien parler lentement comme les prêtres. Tunaweza kuongea pole pole kama mapadri. Mais tôt ou tard. Lakini uko nyuma uko. Celui qui est attentif. Yule aliye mwangalifu. Celui qui ne mène pas une vie floue. Yule ambaye ana mchanganyiko mechoni mwake. Il saura distinguer la pensée cachée. Atajua kinachoficha. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Dans cette saison, j'aimerais nous dire église. Ndani ya majira haya natamani kusema nanyi kanisa. Soyons des hommes et femmes. Tuwe watu. Qui mènent une vie attentive. Wanaokuwa waangalifu. Le Seigneur Jésus dit. Bwana Yesu anasema. Soyez prudents comme le serpent. Muwe waangalifu kama vile nyoka. Et soyez souple comme la colombe. Le monde dans lequel nous fonctionnons, le système de fonctionnement de plusieurs êtres humains, hali ya mitumikio ya wanadamu wengi, est déjà tronqué. Imesharibika. Ce n'est pas seulement dans l'ombre de la boisson. Aiko tu ndani ya vilabo. J'aimerais dire à quelqu'un, même dans l'église du Seigneur, hata ndani ya kanisa, ce n'est pas seulement dans le bar. Aiko tu ndani ya vilabo. Même dans l'église du Seigneur. Hata ndani ya kanisa. Plusieurs. Wengi. Nos systèmes de fonctionnement. Hali yao ya mitumikio. Ne sont pas corrects. Aiko njema. Plusieurs sont déçus dans l'église. Wengi wanavunjika moyo ndani ya kanisa. Et quelqu'un dit, si je savais. Na mtu anaweza kusema kama ningelijua. Je ne pouvais ni même pas y aller. Singeliendaka. Parce que d'ailleurs même mes principes même de la morale. Sababu hata taratibu zangu za tabia. Me donne même du poids dans la société par rapport à ce qu'on est en train de dire. Zinanipa uzito ndani ya mazingara kulingana na yale ambao wako nasema. Pendant que nous avons plus que la morale. Sisi tunakuwa na zaidi ya tabia. Nous avons plus à influencer le monde. Tuna mengi ili kwamba tushawishi ulimwengu. Mais tout part. Yote. Du système de fonction. Inaanza na hali ya mitumikio. Hallelujah. Amen. Quatrième vérité. Ukweli wa nne. Plusieurs personnes watu wengi ont gâché leur destinée, wameharibisha hatima zao, ont foulé au pied leur grâce, wamekanyaga neema zao, leur bénédiction, baraka zao, à cause d'un mauvais système de fonctionnement, kwa ajili ya hali mbaya ya mitumikio. Plusieurs personnes watu wengi étaient bénis, étaient élevés par Dieu, walinuliwa na Mungu zamani, mais ont foulé au pied leur grâce, wakakanyaga na miguu yao wenyewe neema yao, ont foulé au pied leur élévation, wakakanyaga kuinuliwa kwao, tout simplement, sababu, à cause du mauvais système de fonctionnement, kwa ajili ya hali mbaya ya kutembea. Je prie que ceci ne soit pas ton partage. Naomba hii siwe sehemu yako. Et pour que ceci ne soit pas ton partage, ili kwamba hii siwe furushi yako. Nous avons l'obligation de travailler. Tunayo jukumu ya kutumika. Travaillons sur nous-mêmes, frères et sœurs. Tutumike juu yetu wenyewe. Une autre vérité. Ukweli mwingine. J'aimerais dire ceci. Natamani sema. Dieu, Mungu, a créé l'être humain. Aliumba mwanadamu. Avec un bon système de fonctionnement. Na hali njema ya mitumikio. Mais, lakini, c'est à la chute de l'être humain. Ni wakati mwanadamu ameanguka. Que notre système a été déformé. Ndipo hali hiyo ikabadilishwa. Notre système a été falsifié. Mitumikio yetu ilibadilishwa. Notre système de fonctionnement a été tronqué. Mitumikio yetu ilibadilishwa vibaya. Par la présence du péché. Na kuwe uwepo wa zambi. Hallelujah. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. La dernière vérité. Ukweli wa mwisho. Et c'est la bonne nouvelle même pour vous et moi. Na ni habari njema kwenu na kwangu. J'aimerais dire ceci. Natamani sema. C'est possible de corriger son système de fonctionnement. Inawezekana kurekebisha hali yako ya mitumikio. C'est possible de fonctionner correctement. Inawezekana kuanza kutembea salama. Grâce à l'aide du Saint-Esprit. Kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. C'est possible. Inawezekana. Quelqu'un qui menait une mauvaise vie. Mtu aliyetembea vibaya. C'est possible que les gens disent. Inawezekana watu waseme. Ce n'est pas cette fille qu'on a connue. Huyu si huyo binti ambaye tulijua. Ce n'est pas ce frère qu'on a connu. Huyu si huyo kaka ambaye tulijua. J'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Ne t'inquiète pas. Usiofu. Ce qui est plus important. Kilicho cha muhimu. C'est qu'on prenne conscience. Ni kuchukua dhamiri. De l'importance du système de fonctionnement. Ya kwamba ya muhimu. Et j'aimerais dire encore. Natamani sema, c'est possible. Inawezekana. De corriger son système de fonctionnement. Kutengeneza tena hali yako ya kwa. Parce que même plusieurs qui nous ont précédé dans la foi. Wengi waliotutangulia katika imani. Si nous pouvons aussi les prendre comme modèle. Kama tungeliwakamata kama vile mifano yetu. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Mfano wa mtume Paulo. Regardez son système de fonctionnement. Tizama hali yake ya mitumikio. La Bible dit il respirait le mal contre l'église. Alikuwa anapumua mabaya, ubaya ulikuwa ndani mwake akipiganisha kanisa. Mais après qu'il passe à la main de l'esprit de Dieu, kisha kuguswa na mkono wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema, c'est le même apôtre. Yule yule mtume. Qui s'est présenté même aujourd'hui. Alianza kujionesha hata mpaka comme un modèle pour plusieurs. Kama vile mfano kwa wengi. C'est que c'est possible. Inawezekana. Que nous puissions fonctionner correctement. Tutembee vizuri. C'est possible. Inawezekana. Que nos vies aient un sens. Maisha yetu iwe na maana. C'est possible que certaines prédications même. Inawezekana mahubiri fulani hata. Du péché. Ya zambi. Ça sera prêché. itahubiriwa. Mais que ce soit plusieurs comme dit oui, c'est comme ça que j'étais. Mais aujourd'hui quand même ça, moi je ne veux plus. Inawezekana wanze kuhubiri na kusema, zamani nilikuwa kaivu lakini siku hizi nimeshaongoka. C'est possible qu'on parle de l'alcool et quelqu'un dit oui, j'étais diverse dans le passé mais aujourd'hui là. Inawezekana wahubirie ulevi na useme jana njoo nilikuwa nikilewa, leo naanza kunywa bui. C'est possible qu'on parle de l'adultère, du vol, corruption et tout ça et quelqu'un dit hier j'étais comme ça mais aujourd'hui. Inawezekana waongelee mambo ya uzinifu naanza kusema hiyo ilikuwa mambo ya jana, leo nimeshakuwa salama. Hallelujah. Amen. Abordons rapidement le deuxième sous-point. Tuongelee mada ndogo ya pili. Les effets toxiques. Mambo mabaya. D'un mauvais système de fonctionnement. Inayokuwa ndani ya hali mbaya ya mitumikio. Bien aimé, ce qui est toxique. Kilicho kibaya. C'est ce qui agit comme un poison. Ni kile kinachotumika kama vile sumu. Avec la mission de détruire. Lengo yake nakuwa kuharibu. Parlant des effets toxiques. Tunapongelea mambo mabaya. D'un mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya mitumikio. Nous faisons allusion. Tunaongelea hapo. Au produit de ces mauvais systèmes de fonctionnement. Vitu iliyo ndani ya hali mbaya ya mitumikio. Ce qui engendre les mauvais systèmes de fonctionnement. Vinavyozaa hali mbaya ya mitumikio. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Tout système a un produit. Kila hali ya mitumikio inakuwa na maji yake. Tout système a un produit. Kila hali mbaya ya mitumikio. Mais tout produit n'est pas consommable. Kila hali ya mitumikio inakuwa na maji yake. Il y a des produits qui sont toxiques. Kuna vitu vibaya. Et à cela bien aimé. Na kwa hiyo. Je parlerai de plusieurs. Nitaongelea mengi. Effets toxiques. Mambo mengi mabaya. Abordons rapidement le premier. Tuongelee jambo la kwanza. Le premier effet toxique d'un mauvais système de fonctionnement. Jambo mbaya la kwanza la hali mbaya ya mitumikio. Premièrement c'est l'orgueil. Ni kiburi. Le mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya kuwa. Produit l'orgueil dans la personne. Inazaa kiburi. Un sentiment d'autosuffisance. Kujisikia kwamba autosheki. Une appréciation exagérée de soi. Unajitoshelea mwenyewe. Au mépris des autres. Unajiamini na kudharau wengine. Ce n'est pas mauvais de s'apprécier. Si vibaya kujiamini. Mais lorsqu'il y a une exagération. Wakati unazidisha. Et avec la dimension. Na ngazi. De mépriser les autres. La kudharau wengine. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa. C'est un effet toxique. Iyo inakuwa sumu. L'orgueil vient d'un mauvais système de fonctionnement. Kiburi inakuja wakati unakuwa na hali mbaya ya mitumikio. Un mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya mitumikio. Produira l'orgueil. Inazaa kiburi. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Parmi les choses que Dieu déteste. Moja wapo ya mambo ambayo Mungu anachukia. Dieu déteste l'orgueil. Mungu anachukia kiburi. Dieu déteste l'orgueil. Mungu anachukia kiburi. Frères et sœurs. Kaka na dada. L'orgueil n'est pas une bonne chose. Kiburi si jambo nzuri. Nous pouvons avoir une grâce. Tunaweza kuwa na neema. Je le disais même hier. Nilisema hata jana. Nous connaissons beaucoup d'abus même dans la grâce que nous avons. Tunakuta mabaya mengi. C'est lorsque nous ne comprenons pas le pourquoi de cette grâce. Ni wakati atuelewe sababu ya neema ulionayo. Beaucoup à cause de la grâce qu'ils ont. Wengi kwa ajili ya neema waliokuwa nayo. Beaucoup à cause des moyens financiers qu'ils ont. Wengi kwa ajili ya pesa walionayo. Beaucoup à cause de leur poste et une occupation sociale élevée. Wengi kwa ajili ya kazi nzuri walizonazo. Ils ont développé l'orgueil. Wamekomalisha kiburi. Moi je n'ai pas besoin de mimi, ce sujet-là. Sina hamu ya mtu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Tout le monde a besoin de l'autre. Kila mtu anahitaji mwingine. Le seul qui se suffit lui-même. Mmoja anayejitoshelea. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Le seul qui connaît toutes choses. Mmoja anayejua kila kitu. C'est le Seigneur Jésus. Ni Yesu Kristo. Et la Bible dit. Na Biblia inasema. Nous connaissons en partie. Tunajua tu sehemu. Et nous prophétisons en partie. Na tunatabiri tu sehemu. Utilisons ce que nous avons avec humilité. Tutumie yale tulionayo na unyenyekevu. L'orgueil a détruit plusieurs. Kiburi imebomoa wengi. J'ai connu quelqu'un. Najua mtu moja. Un homme de Dieu. Mtu wa Mungu. C'était dans une grande conférence. Ilikuwa ndani ya kongamano kubwa. C'était le jour de la Pentecôte. Ilikuwa siku ya Pentecôte. L'année 2014. Kwa mwaka 2014. Ilikuwa Manyema pa Kindu. Toutes les églises étaient réunies. Makanisa zote zilikusanyika. Mais l'homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Au lieu de venir bénir le peuple de Dieu. Kuliko aje kubariki taifa la Mungu. Qu'est-ce qu'il disait? Alisema nini? Moi je prépare ça. Mimi nandahi. Parce qu'il était venu de quelque part. Sababu alitokea nafasi fulani. Le pasteur ici di Manyema. Watungaji wa Manyema. Moi je vais le prouver. Nitawaonesha. Je vais prendre la prédication là de Vernon. Nakamata mahubiri ya Vernon. Je vais frapper. Nitababula. Mais la prédication ce n'est pas une bataille. Lakini mahubiri haiko vita. Prêcher c'est annoncer la bonne nouvelle. Kuhubiri ni kutangaza habari njema. Enseigner c'est annoncer la bonne nouvelle. Kufunza ni kutangaza habari njema. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Arrêtons l'orgueil. Tuache kiburi. Arrêtons l'orgueil. Tuache kiburi. Nous avons la connaissance de bien chanter. Tuna ujuzi wa kuimba vizuri. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Bien chanter, chanter. Kuna kuimba na kuimba. Parfois quelqu'un peut se trouver au top. Unaweza kuzana kwamba wewe unajua. Mais il faut que tu arrives. Inabidi ufike. À celui qui a une autre dimension que toi. Ukutane na yule anayekuzidia. Tu vas te rendre compte. Utatambua kwamba. Que j'ai encore besoin d'apprendre. Nahitaji tena kujifunza. L'orgueil n'est pas bon. Kiburi si nzuri. L'orgueil n'est pas bon. Kiburi si njema. L'orgueil n'est pas bon. Kiburi ni mbaya. L'orgueil n'est pas bon. Ni mbaya. Écoutez ce qu'a dit la Bible. Sikiliza hiyo Biblia nasema. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura ya 5. Le verset 5 au verset 6. Verset ya 5 hadi ya 6. Écoutez ce qu'a dit la parole de Dieu. Sikia hiyo Biblia nasema. De même. Ivo ivo. Vous qui êtes jeunes. Ninyi mlio vijana. Soyez soumis aux anciens. Munyenyekee mbele ya wazee. Et tous. Na nyote. Dans vos rapports mutuels. Ndani ya kukua kwenu. Revêtez-vous d'humilité. Muvikwe na unyenyekevu. Car. Sababu. Dieu résiste aux orgueilleux. Mungu anashindana na wenye kiburi. Mais il fait grâce aux humbles. Anajalia neema walio wanyenyekevu. J'aime la suite. Napenda inayofuata. La Bible dit. Biblia nasema. Humiliez-vous donc. Munyenyekee. Sous la puissante main de Dieu. Chini ya mkono mwenye nguvu wa Mungu. Afin qu'il vous élève. Ili kwamba wainue. Au temps convenant. Kwa muda unaofaa. L'élévation a un temps propice. Kuinuliwa unakuwa na muda wake. Je disais même dans l'une de mes prédications. Hata katika mahubiri yangu nilisema. Élever quelqu'un de manière précipitée. Kuinua mtu kwa hali ya haraka. C'est lui rendre un mauvais service. Ni kumuua. Parce qu'il peut tourner aujourd'hui. Anaweza. Il peut tourner demain. Kutembea leo kesho. Fin de fin. Mwisho. Un ventilateur qui est déconnecté de la source de l'énergie. Chombo, un ventilateur déconnecté. Chombo isiyokuwa connecté kwenye umeme. Il finira par s'éteindre. Itazimika. On a besoin d'être humble. Tuahitaji kuwa wanyenyekevu. Combien de jeunes sœurs gâchent leur mariage aujourd'hui? Vijana ngapi wanaribisha ndoa zao leo? Quand les parents nous disent. Wazazi wanapotuambia. Ce n'est pas comme ça. Haiko hivi. Ce n'est pas comme ça qu'on prépare le mariage. Awandaake ndoa namna hivi. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte dans le foyer. Si namna hii ndivyo wanajikamata katika unyumba. Qu'est-ce que nous disons? Tunasema nini? Non papa. Apana ba. Vous êtes dépassé. Wewe uko dans notre génération. Kwa hii kizazi. Il y a plus que ça. Kuna zaidi. C'est bien de le dire. Ni vema. Cette maman que tu vois aujourd'hui. Yule mama ambaye unaona leo. Même si le tilo ne tient pas. Hata kama bitu si nzuri kabisa. Mais le plus important. Ya muhimu zaidi. Elle a de la sagesse. Ana hekima. Vous ne pouvez pas prouver le mariage aujourd'hui. Huwezi kuonesha leo ndoa katika ndoa. Vous ne voulez pas apprendre. Aupendi kujifunza. Par exemple, je prends l'exemple de mon papa, Pasteur Pierrot. Nakamata mfano baba yangu, qui a plus de 35 ans de vie conjugale. Ana miaka zaidi ya 35 katika ndoa. Vous pensez que même si nous suivons toutes les séries du monde, nous avons beaucoup de leçons que lui. Sasa wewe unapofuata maeli diablo na zile zingine zote, unadhani kama utafikia kwa experience yake. Et d'ailleurs même, la vraie vie du couple, ce n'est pas ce que nous voyons dans la série. Hali njema ya maisha ya ndoa, haiko hiyo tunaonaka kwenye filamu. Là, si quelqu'un n'a pas bien souri, on dit non, on arrête, on reprend, souris un peu bien. Wakati ndani ya filamu mtu akucheka vizuri, unarudisha, unaona namna jinsi alicheka. Mais quand tu es dans la pratique, wakati uko naishi c'est là que tu sauras. Hapo ndio utajua. Tu diras mais tu es pasteur. Uko mchungaji. Tu prêches. Unahubiri. Il te dira oui je prêche. Atasema ndio naubiri. Mais tu dois te soumettre à ça. Lakini shuka. Tena on a besoin d'apprendre des autres. Tu hitaji kujifunza toka wengine. Salomon est élevé dans la royauté. Anainuka kwa ufalme. Iti ya Dieu. Anambia Mungu. Tu m'as élevé comme roi. Umeninua kama vile mfalme. À la place de mon père David. Kwa nafasi ya baba yangu Daudi. Je suis un jeune gens. Mimi ni kijana. Je n'ai pas d'expérience. Sijue kuongoza. Donne-moi de la sagesse. Nipe hekima. Donne-moi de l'intelligence. Nipe akili. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Les orgueilleux n'ont pas besoin de ça. Wenye kiburi hawahitaji. Ils sont pleins en eux-mêmes. Wanajitoshelea. Vous arrivez même dans les entreprises. Unafika ndani ya makampuni. Il suffit que vous ayez une petite compétence. Ya sumu tu ukuwe na ka diplome ka juu. Plus que celui qui est votre chef. Zaidi ya kiongozi wako. Vous devenez insaisissable. Au kamatiki tena. Et plusieurs sont chassés même dans les entreprises. Na wengi wanafukuzwa kazini juu ya hiyo. Et puis même après passer c'est le démon tout ne vient pas des démons. Anaanza kuambia mchungaji ni mapepo hiyo. Tout ne vient pas des démons. Yote haitokane nous na mapepo. Nous avons affaire à travailler notre système de fonctionnement. Tutumike hali yetu ya kuwa. Le mauvais système produit l'orgueil. Hali mbaya inaleta kiburi. Et quand l'orgueil est produit. Na kiburi inapozalika. Il y a plusieurs conséquences. Mazara yanakuwa mengi. La Bible dit. Biblia inasema. Le sage est en train de dire dans Proverbe. Mwenye hekima anasema katika Mezali. Chapitre 16 au verset 18. 16:18. L'arrogance précède la ruine. Kiburi inatangulia kuoza. L'arrogance précède la ruine. Kiburi inatangulia kuanguka. Et l'orgueil précède la chute. Na kiburi inatangulia kupinduka. Quiconque veut connaître la chute. Yoyote ambaye anatamani pinduka. Qu'il monte dans l'orgueil. Apande ndani ya kiburi. Qu'il monte dans l'orgueil. Apande ndani ya kiburi. Dans le ministère n'en parlons ni même pas. Ndani ya huduma sasa hapo ni hatari. Il suffit qu'on ait une petite grâce. Kama tu mtu anakuwa na neema ya upekee. Tel que je le fais ce soir. Kama jinsi niko hapa mbele zenu leo. Je deviens insaisissable. Sikamatiki tena. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est non. Mupendwa katika Bwana. Je ne suis pas le pionnier dans le ministère. Mimi si mwanzilishi wa injili. Il y a des hommes et femmes qui nous ont précédés. Kuna watu wametutangulia. Au-delà de prêcher, au-delà d'enseigner. Zaidi ya kuhubiri na kufundisha. On a besoin de certaines leçons. Tuahitaji mafunzo. Et nous dirons attention à ça. Watakwambia angalisho na hii. Attention à ceci. Angalisho kwa hii. Mais plusieurs parmi nous. Lakini wengi miongoni mwetu. Par orgueil. Kwa kiburi. Ils refusent même d'accepter la paternité spirituelle. Wanakataa hata kukubali baba zao. Moi je n'ai pas de père spirituel. Mimi sina baba. D'ailleurs cette histoire là n'est pas biblique. Hiyo vitu ya baba haiko kibiblia. Ambo. On est dans le département. Uko ndani ya kundi. Il suffit qu'on ait seulement une petite grâce. Kama tu nakuwa na neema inayong'aa. On commence à voir des songes et des visions. Unaanza pokea maono. Même des songes que j'appelle en noir blanc. Na zingine maono zenye ujue. Parce qu'il y a des visions en noir blanc et des visions en couleur. Kuna maono za mfano na maono za original. Vous serez en train de prier. Utaanza omba. Et quelqu'un vous dit. Chonasema. J'ai vu comme si. Niliona sasa photocopie vision. Va encore prier. Wende omba. Je ne peux pas prendre la décision de ma vie. Siwezi kamata uamuzi wa maisha yangu. Avec des présuppositions comme ça. Na hiyo mambo ya kupima J'ai pima. J'ai vu comme si. Nimeona kama jinsi. J'aime Daniel. Napenda Daniel. Quand il reçoit la vision. Anapopata maono. Il la reçoit de manière intégrale. Anaipata waziwazi. Et quand il explique. Na anapofasiria. Il explique correctement. Anaufasiria vizuri. La tête symbolise ceci. Kichwa ni I. La poitrine c'est ça. Kifua ni les I. Les pieds mélangés avec ceci c'est ça. Miguu ni I. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Soyons humbles. Tuwe wanyenyekevu. Soyons humbles. Tutulie. Soyons humbles. Tushuke. Nous ne sommes pas de la race de Louis XIV. Atuko wa kizazi cha Louis XIV. L'histoire nous parle de ce roi. Historia inongelea uyo mfalme. Comment était ce roi? Alikuwa namna gani? C'est un roi qui s'est confondu à l'état. Alikuwa mfalme ambaye alijifanya kuwa serikali. Il disait même l'état c'est moi. Alisema serikali ni mimi. Et plusieurs. Na wengi. Se confondent même à la vérité. Wanajifanya wao kuwa kweli. Ils se confondent même à la connaissance. Anajifanya kuwa ujuzi. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Hatuna ujumla wa ukweli wote. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Hatuna ujumla wa ufunuo wote. Ce que nous connaissons. Yale tunajua. Et ce que nous comprenons. Na yale tunaelewa. C'est par la grâce de Dieu. Ni kwa neema ya Mungu. Et c'est pour un but divin. Na ni juu ya lengo fulani. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Namwambia mtu mangaribi leo. S'il faut prier. Kama unapaswa omba. Que quelqu'un prie. Mutu aombe. Que demande à Dieu. Aombe Mungu. De travailler mon système de fonction. Tumike hali yake ya kuwa. L'orgueil est toxique. Kiburi ni sumu. L'orgueil est toxique. Kiburi ni mbaya. Le diable a été chassé. Shetani alifukuzwa. À cause de l'orgueil. Kwa ajili ya kiburi. L'orgueil. Kiburi. Lisez Ézéchiel. Soma Ézéchiel. Lisez du premier verset jusqu'au verset 15. La Bible dit même il mettait les sceaux à la perfection. Biblia inasema alikuwa anaweka muhuri kwa ukamilifu. Mais à cause de l'orgueil. Lakini juu ya kiburi. L'orgueil. Kiburi. Le premier effet toxique. Sumu ya kwanza. D'un mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya kuwa. Hallelujah. Amen. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Kuna mifano mengi katika Biblia. Vous pouvez prendre le cas du roi Ozias. Mfalme Ozias. Dans Deux Chroniques chapitre 26. Mambo ya siku. Vous lisez du premier verset au verset 22. Moja hadi 22. Prenez le cas de Caïn. Kaini. Genèse chapitre 4 du 1er au 9e verset. Mwanzo ine moja dikenda. Lisez lentement à la maison. Soma pole pole nyumbani. Nous allons comprendre ces choses. Utaelewa mambo yale. Que c'est toxique. Ya kwamba ni sumu. Ça tue. Inaua. Ça détruit. Inabomoa. Alléluia. Amen. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Bwana tujalie neema magharibi ya leo. Deuxième effet toxique. Sumu ya pili. D'un mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya kuwa. C'est le refus d'obéir aux consignes. Ni kukataa kutii taratibu. Le refus d'obéir aux consignes. Kukataa kutii taratibu. Qu'est-ce que je comprends par une consigne? Taratibu ni kitu gani? Une consigne. Taratibu est une instruction. Ni mwelekezo. Une consigne. Taratibu est un ordre. Ni oda. Une consigne. Taratibu est une orientation stricte. Ni mwelekezo kamili. Donnée pour un but quelconque. Ambayo imepanwa juu ya lengo fulani. Lorsque le système de fonctionnement n'est pas bon, wakati hali yako ya kuwa si nzuri, on ne respecte pas les consignes données. Aweshimu taratibu zinazopewa. Vous allez voir les cas de Joab dans la Bible. Utakamata mfano ya Yoabu katika Biblia. Le chef de l'armée du roi David. Kiongozi wa jeshi la Daudi. Lorsque vous lisez 2 Samuel, Samuel wa pili, chapitre 18, le verset 5, 18:5, écoutez ce que la Bible dit. Sikia hiyo Biblia nasema. Le roi donna cet ordre à Joab, mfalme akaamuru Yoabu, à Abishai et à Itai. Abishai na Itai. Le roi dit ceci, mfalme akasema, pour l'amour de moi, kwa ajili ya upendo wangu, doucement avec le jeune Absalom. Mwende pole pole na kijana Absalom. Il veut faire un coup d'état. Absalomo anatamani kumpindua. Il veut me déshonorer moi son père. Anatamani kuniaibisha mimi baba yake. Mais pour l'amour de moi. Lakini juu ya upendo si wangu. Si vous m'aimez moi votre leader. Kama mimi kiongozi wangu mnanipenda. Allez doucement avec le jeune. Mwende pole pole na huyo kijana. Le roi ajoute en disant. Mufalme kaongeza na kusema. La Bible dit tout le peuple entendit l'ordre du roi. Na taifa nzima wakasikia amri ya mfalme. A tous les chefs au sujet d'Absalom. Na viongozi wote kuhusu Absalomo. Absalom veut monter un coup d'état royal. Absaloma anatamani kupindua ufalme. Pour destituer son propre père le roi David. Kwa kumwangusha babaye kwenye kiti cha ufalme. Na David parle. Daudi anaongea. À son chef d'armée. Anaambia jemadari wake mkuu. L'un des plus proches. Mmoja wapo wa watu walio karibu naye. Joab. Yoabu. Il donne un ordre. Anampa amri. Il donne une consigne. Anamupa mwelekezo. Doucement avec les jeunes. Wende pole pole na huyo mtoto. Un mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya kuwa. Dans le cœur de Joab. Ndani ya moyo wa Yoabu. Fini dans ce qui est écrit. Ikanguka. Ikafikia kwa hii inayoandikwa. Dans 2 Samuel chapitre 18. Samuel wa pili 18. Vous lisez le verset 9 au verset 18 au verset 17. Verset 9 hadi 18. Joab a foulé au pied. Yoabu akakanyagia. L'ordre du roi David. Amri ya mfalme Daudi. Joab a foulé au pied. Yoabu akakanyaga. La consigne donnée par son leader. Mwelekezo wa kiongozi wake. Il a occasionné la mort d'Absalom. Akaraisisha kufa kwa Absaloma. Dans la forêt d'Ephraïm. Ndani ya pori ya Fali. Joab. Yoabu. Il a une consigne. Pana mwelekezo. Allez doucement avec le jeune Absalom. Twende pole pole na huyo kijana. Mais du fait que dans Joab. Lakini juu ndani ya Yoab. Le système de fonctionnement n'est pas bon. Hali ya kuwa si nzuri. Ça pousse Joab. Ikamsukuma Yoab. À désobéir. Akose kutii. Et a occasionné la mort du fils du roi. Na kuraisisha kufa kwa mtoto wa mfalme. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Le mauvais système de fonctionnement. C'est notre premier ennemi avant même le diable. Hali mbaya ya kuwa ni adui mkubwa kuliko hata shetani. Le mauvais système de fonctionnement. hali mbaya ya kuwa kwetu. C'est le premier ennemi. Ni adui wa kwanza. Avant même le diable. Parce que la Bible dit parlant du diable, tunapongelea shetani. La Bible dit résistez-lui avec une foi ferme. Biblia inasema mshindane naye na imani kamilifu. Et il fuira loin de vous. Na atawakimbia. Mais le système de fonctionnement c'est une partie intégrante de nous. Lakini hali yako ya kutumika ama ya kuwa inakuwa ndani mwako. On ne chasse pas ça comme un démon. Je te chasse, va dans les milieux arides, on y travaille. Hautaifukuza na kusema na kukimbiza ndani ya Kalahari, ndani ya jangwa, hapana, inabaki hapo. Hallelujah. Amen. Le même Joab, Joab, le roi David, Mufalme Daudi, donne une autre consigne. Anapana engine mwelekezo. Dans 2 Samuel chapitre 3, ndani ya Samuel wa pili tatu, le verset 26 au verset 29. Verse ya 26 hadi 29. Par rapport à la mort d'Abner, kulingana na kufa kwa Abner, le chef de l'armée du roi Saül, kiongozi wa jeshi la mfalme Saulo, après avoir établi Shiboshet, kisha kumshimika Shibosheti, il va commettre un forfait, akapindua, et quand on lui reproche, akafanya mabaya wanapomkaribia, il est allé se liguer avec le roi David, akakwenda kuungana na mfalme Daudi, pour vouloir l'établir dans tout le royaume d'Israël, ili kwamba ashimike ndani ya Israeli, amshimike ndani ya Israeli nzima. Quelque chose arrive encore avec Joab. Kitu kikafika tena na huyo Yoab. Joab va occasionner la mort d'Abner. Yoabu akafanya kwamba Abner afariki. Et le roi David était mécontent de ça. Na mfalme Daudi akakasirika. Quand vous lisez bien cette portion de l'écriture, ukisoma hiyo, il prononce des paroles de malédiction sur Joab et même sur sa descendance. Mfalme akakiri maneno ya laana juu ya Yoabu na kizazi chake. Combien parmi nous aujourd'hui obéissent aux consignes? Mara ngapi wengi miongoni mwetu awatii kanuni zinazopanwa? Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, il est vrai, ni kweli, que la prière commence à 15h30. Maombi inaanza pasa kenda na nusu. Mais si au travail on quitte à 16h. Kama unatumika unatoka pasa 10. Je préfère venir avec un retard. Na furahia zaidi ni kuche nikichelewa. Au lieu de mépriser certaines consignes. Kuliko kukosa kutii taratibu fulani. Et puis venir pleurer plus tard. Na kuja kulia baadaye. Parce que le même Dieu que nous venons prier. Yule Mungu ambaye tunaomba. C'est le même qui dit. Ni yule yule nasema. C'est lui qui ne travaille pas ne mange pas. Asiyekula, asiyetumika atakula. Il y a des consignes qui nous sont données. Kuna taratibu ambazo tumepewa. À partir de 21h. Kuanzia saa 3 za usiku. Il y a couvre-feu qui commence. Kuna kubaki nyumbani. Mais quelqu'un dit mais non, nous avons une prière. Tunajiambia tuko na makesha. On a la prière bien sûr mais ça commence à 20h30. Tuna makesha inaanza saa 2 na nusu. Obéissons aux consignes. Tuheshimie taratibu. Même les autorités établies dans le pays. Hata taratibu za viongozi wa nchi. Bien aimé, on va t'arrêter. Watakufunga. À 21h01, on t'arrête. Na telefone zitaenda. La désobéissance. Kukosa kutii. Par rapport aux consignes. Kama utii taratibu. Ça a des conséquences graves. Inaleta matokeo mabaya. Permettez-moi le superlatif. Mwache niseme hivi. Je dirais même gravissime. Ni mbaya sana. Osez défouler aux pieds, les policiers vont arrêter. Ni mbaya. Et même si vous dites soyez maudits, ils ne seront pas maudits. Na ukisema wale walibeba Samsung yangu walainiwe, awatalainiwa. Ils vont ravisser sous cela, vous êtes maudits. Walibeba viato, awatalainiwa. Je vous assure, ils ne seront pas maudits. Awatalainiwa. Parce que la Bible dit, Biblia nasema, une malédiction sans cause, laana pasipo sababu, elle est sans effet. Aitashika. Il a obéi au consigne. Alitii taratibu. Combien de gens obéissent aux consignes? Watu ngapi wanatii taratibu? Dans le département, on peut dire. Ndani ya makundi wanasema. Nous sommes en jeûne et prière. Tunafunga na kuomba. Mais quelqu'un dit non. Unajiambia. Non, on a jeûné depuis longtemps. Sisi tulianza funga zamani. Vous venez d'arriver aujourd'hui. Nyie mnakuja jana jana hapa. Mes frères et sœurs. Kaka na dada. Quelqu'un dont la vie a un sens. Mtu ambaye maisha yake yanakuwa na mafaa. Ne conjugue pas Dieu au passé. Aongeake juu ya Mungu. Aongele yake Mungu ya jana. Quand nous fûmes, wakati tulikuwaka, nous on priame. Sisi tukuwaka naomba. Bien aimé, ce n'est plus ça. Aiko vile. Dieu c'est dans le présent. Mungu ni waleo. Déjà il y a un problème qui ne marche. Kuna shida hapo. Combien de gens désobéissent? Watu ngapi wanakosa kutii? Aux ordres de la coordination de cellules. Kwa ombi la viongozi wa mashirika. Et il faut semblant de respecter le pasteur. Na wanafanya sambla. qui a établi le président de la coordination. Wanaonesha kama jinsi wanamheshimu mchungaji japokuwa hawaheshimu kiongozi wa shirika wa mashirika. Mépriser une personne établie revient à mépriser celui qui l'a établi. Ukizarau yule aliyeheshimikwa na mchungaji ni mchungaji ambaye unadharau. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un produit toxique. Hiyo ni sumu. Que Dieu nous corrige. Mungu atuguse. Que Dieu nous transforme. Mungu atubadilishe. Que Dieu nous change. Mungu atubadilishe. Que nous soyons des hommes et femmes. Tuwe watu ambao. Qui obéissent aux parents. Wanati wazazi. Les parents disent ceci. Wazazi wanasema hivi. Et parfois même le papa ou la maman n'a pas beaucoup étudié. Baba mama makusomaka zaidi. Mais quand même il nous a fait étudier. Lakini alitusomesha. Quand il nous reproche. Anapotupati, on ne répond même pas à la langue dont parlent les parents. Baba iko nakwambia mukinande, wewe unaanza mwambia mkiingereza. On commence à répondre dans une langue. Unaanza ongea lugha nyingine. Pour prouver qu'on est civilisé. Ili kwamba muonesha kwamba wewe uko wa generation Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Le refus des consignes. Kukataa kutii taratibu. C'est un produit toxique. Ni shida. Provenant d'un mauvais système. Ni shida inayotokana na hali mbaya ya mitumikio. De fonctionnement. Frère, tu vas exhorter sur ça. Kaka utahubiri juu ya mada fulani. Il dit non, moi je ne prêche pas des sujets orientés. Nasema pana mimi sihubiri yake mahubiri yenye waisha panga. Moi je parle avec l'esprit. Mimi ni roho ananifuvia neno. Que Dieu nous aide. Bwana tusaidie. Troisième effet toxique. Sumu ya tatu. D'un mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya mitumikio. C'est le refus de reproche. Ni kukataa unapokosolewa. Le refus de reproche. Kukataa wakati wanakukemea. C'est un sentiment de croire. Un sentiment de croire. Una hisia ni kama jinsi unaamini. Que tout ce que l'on fait est parfait. Ya kwamba yote unayofanya ni kamilifu. Tout ce que je fais là est correct. Yote ni fanyayo ni kamilifu. Moi, je n'ai pas besoin de reproches. Si taji muni kosoe. Plusieurs évoluent avec ça. Wengi wako hivyo. Nous voulons que la vie compte. Tunatamani maisha yetu iwe na thamani. Nous voulons que la vie soit digne. Tunatamani maisha yetu istahili. Il y a un travail de fond. Tujitumike yako muna. Dans notre système de fonctionnement. Hali yetu ya kuwa. C'est le cas d'Abner. Iyo ndio kesi ya Abner. Dans 2 Samuel chapitre 2 le verset 3. Samuel wa pili mbili tatu. Je m'excuse, 2 Samuel chapitre 3. Samuel wa pili tatu. Vous lisez le verset 6 au verset 8. Verset 6 à 18. Abner était le chef de l'armée du roi Saül. Abner alikuwa kiongozi wa jeshi ya Saulo. Après la mort de son chef. Kisha kiongozi wake kufa. Il voulait sortir avec l'une des concubines du roi. Alitamani kuchukua ma binti za mfalme. Lorsque on lui reproche. Wakati wanamkemea. Mephibosheth lui reproche. Mephibosheth anamkemea. Écoutez ce qu'il dit. Sikia hiyo anasema. Moi je ne suis pas une tête de chien. Mimi si kichwa ya imbwa. Et puis il est parti pour dire attends, moi je vais faire imposer David comme roi. Anasema mimi nitashimika Daudi kuwa mfalme. Pourquoi? Sababu gani? Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Rien de parfait ne peut provenir de l'homme imparfait. Hakuna kitu kikamilifu akiwezi kutokea kwa mtu rien de parfait, je le répète, ne peut provenir de l'homme imparfait. Kitu kamilifu akitokee kwa mtu asiyekuwa mkamilifu. Cela ne veut pas dire. Hiyo haimaanishi. Que nous devons rester dans le mal. Tubaki ndani ya mabaya. Nous sommes dans la phase vers la perfection. Tuko tukielekea ukamilifu. C'est le pourquoi même du travail intérieur de notre système de fonctionnement. Ndio maana kutumika hali yetu ya mitumikio ya ndani. Bien aimé dans le Seigneur. Upendo katika Bwana. Il y a un travail de fond à faire. Kuna kazi ya kutumika humo ndani. Il y a un travail de fond à faire. Kuna kazi ya kufanywa humo ndani mwetu. Vous voulez développer une vie qui a un sens. Watamani kukomalisha maisha iliyo na mafaa. Prenez du temps à travailler sur le système de fonctionnement. Tumika juu ya hali yako ya kuwa na ya kutumika. Hallelujah. Mitumikio yako. Parlons de quatrième effet toxique. Tunapongelea sumu ya ine. D'un mauvais système de fonctionnement. Ya hali mbaya ya mitumikio. C'est la rancune. Ni chuki. La rancune. Chuki. Qu'est-ce que je comprends par la rancune? Ninaongele, inakuwa nini ilo jambo la chuki? C'est un souvenir tenace. Unakuwa na ukumbusho. Que l'on garde d'une offense. Unaloweka walikukoseaka. D'un préjudice. Walikufanyaka mabaya. Avec de l'hostilité. pamoja na ubovu, un désir de vengeance, na unajisikia kujilipishia kisasi, un mauvais système de fonctionnement, hali mbaya ya mitumikio, amène les hommes et femmes, inaleta wanawake na wanaume, a devenu des rancuniers, kuwa watu wa chuki. Il est vrai. Ni kweli. On t'a fait du mal. Walikukosea. Oui. Ndio. Oui, on t'a fait du mal. Walikukosea ndio. Ce qui a été fait n'est pas approuvé. Iliyofanyika haionekani. Mais bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa. La Bible dit. Biblia inasema. À Dieu la vengeance. Mungu mwenyewe atulipe. À Dieu la rétribution. Yeye mwenyewe atulipe. Ce n'est pas à vous et moi de nous venger. Atulipishie kisasi. Haiko kwako na kwangu. Le mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya mitumikio. Fait que nous ayons des hommes et femmes. Inafanya kwamba tuwe na wanawake na wanaume. Que ça soit dans nos familles. Iwe ndani ya jamii zetu. Que ça soit dans les entreprises. Iwe ndani ya makampuni zetu. Que ça soit dans l'église. Iwe kanisani. Des rancuniers. Wanaokuwa na chuki. Quelqu'un peut te montrer les dents. Mtu anakuonesha meno. Un homme disait. Mtu mmoja alisema. Quand un lion te montre les dents. Wakati simbe nakuonesha meno. Tu ne sais pas s'il est en colère ou il est dans la joie. Aujue kama inasirika ama kama inafurahi. Et quelqu'un a dit en Swahili cheko yote haina cheko. Na mtu mmoja akasema mkiswahili tout sourire n'est pas sourire. Quelqu'un peut sourire par le lèvre. Mtu anaweza kutabasamu kwa midomo. Mais dans le cœur il garde la rancune. Lakini moyoni anaweka hasira. Il cherche juste une petite occasion. Anatafuta tu mwanya ndogo. Et il va te frapper. Natakupindua. Et parfois quand tu réalises. Na unapona. La sanction que tu subis là où tu travailles. Ubaya ambayo uko napitia mahali ambapo unatumika. Par rapport à ce qui a été fait. Kulingana na yale ambayo ulifanya. Tu peux te dire mais bien sûr j'ai mal fait mais je ne mérite pas ça. Nilifanya mabaya ndio lakini si staili pigo kama hili. Qu'est-ce qui se passe? Nini yendeki? Peut-être que le chef développe une rancune. Yawezekana kiongozi anakuwa na wivu wa machuki ndani mwake juu yako. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Une personne rancunière. Mtu anayekuwa na chuki ndani mwake. Est dangereuse qu'une bombe atomique. Ni mtu hatari kuliko bomu ya atomique. C'est dangereux. Ni hatari. Parce que c'est la personne qui fabrique et qui manipule la bombe. Ni mtu ambaye anatengeneza na kutumia bomu. Il y a un cas fréquent dans la Bible. Dans la Bible, pana mtu. Parlant d'un homme. Mtu. Appelé Achitophel. Ambaye walimuita Achitofeli. L'un des bras droits du roi David. Mmoja wa watu waliokuwa pembeni ya mfalme Daudi. L'un des conseillers proches du roi. Mmoja wa washauri wakubwa wa mfalme. Achitophel. Achitofeli. Quelques informations sur lui. Na wapatia taarifa fulani kuhusu yeye. Premièrement, jambo la kwanza. Il était l'un des conseillers compétents du roi David. Alikuwa mmoja wa washauri wakubwa wa mfalme Daudi. Au point que la Bible dit. Na ta Biblia inasema. Les conseils d'Achitophel. Shauri ya Achitofeli. Valait la parole de Dieu. Ilikuwa sawa sawa na neno la Mungu. C'était pas de moindre. Akukua mtu wa rais. Quand il parle. Anapongea. C'est comme si c'est ainsi dit l'Éternel. Ni kama jinsi ni Mungu ndiye ameongea. Qui est Achitophel? Achitophel ni nani? Proche du roi David. Mtu aliye kando ya mfalme David. C'est le grand-père de Bathsheba. Alikuwa tate yake na Bathsheba. La femme d'Uria. Mke wa Uria. Ce que je dis, vous allez trouver dans 2 Samuel chapitre 11 le verset 3. Samuel wa pili 11:3. Vous lisez aussi 2 Samuel chapitre 23 le verset 34. Samuel wa pili 23:34. Car le père de Bathsheba, baba yake na Bathsheba, s'appelle Eliam. Jina lake Eliam. Et le père de Eliam, na baba yake na Eliam, c'est Achitophel. Inakuwa Achitofeli. Proche du roi David. Alikuwa karibu ya mfalme. Grand père de Bathsheba. Tate yake na Bathsheba. Achitophel. Achitofeli. Habitait à Guilo. Aliishi pa Guilo. En hébreu qui veut dire exil. Inamaanisha pahali pa ukimbizi. C'était l'une des villes dans les montagnes de Juda. Ilikuwa moja ya miji ya milima ya Yuda. En accord avec Josué chapitre 15 le verset 51. Yoshua 15:51. Vous lisez encore 2 Samuel chapitre 15 le verset 12, vous allez comprendre ce que je dis. Samuel wa pili 15:12. Le nom même d'Achitophel. Jina ya Achitofeli. Signifie. Inamaanisha. Le frère de la folie. Ndugu ya umati. Qu'est-ce que je voudrais dire? Natamani kusema nini? Par rapport à cet aperçu. C'est pour que nous comprenions quel était celui qui était à côté du roi David. Alikuwa nani yule aliyekuwa kando ya mfalme Daudi? Bathsheba, bien sûr. Bathsheba, il y a un forfait qui a été fait. Kuna ubaya uliofanyika. Par le roi David. Na mfalme Daudi. Mais David s'est repenti. Daudi alitubu. Mais Ahithofeli n'a pas oublié. Lakini Ahithofeli hakusahau. Ahithofeli n'oublie pas. Yes, awake. Il peut être proche. Anaweza kuwa karibu. Il te connaît bien. Anakujua vizuri. Il te maîtrise bien. Anakujua wewe wote. Il garde tous les forfaits. Anaweka mabaya yako yote. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Ça nous bloque. Inatufunga. La rancune ne nous fait pas avancer. Hiyo chuki inafanya kwamba tusisonge mbele. Ça distille de la haine. Inaripusha hiyo chuki wa dhati. De la vengeance. Kulipisha kisasi. Un jour. Siku moja. Les complots arrivent. Wakafanya njama. Absalom veut destituer son père. Absalom akatamani kupindua baba yake. La Bible dit. Biblia nasema. Dans 2 Samuel chapitre 15. Ndani ya Samuel wa pili 15. Vous lisez le verset 30 au verset 31. Verset ya makumi tatu na makumi tatu na moja. La Bible dit. Biblia nasema. Le roi David était en train de fuir. Mfalme Daudi alikuwa akikimbia. La Bible dit lui montait la colline des oliviers pieds nus. Alikuwa anapanda mlima migu wazi. Et on vient lui dire. On vient lui dire. Wakaja kumwambia. Ahithofeli, l'un de tes conseillers. Moja wa washauri wako Ahithofeli. Et aussi avec Absalom. Naye iko njama na Absaloma. Mais qu'est-ce qui arrive? Nini mefikia? Qu'est-ce qui montre? Nini naonesha? La rancune. Iyo chuki. Les produits toxiques. Iyo sumu. Qui étaient dans le cœur d'Ahithofeli. Iliyokuwa ndani ya moyo wa Ahithofeli. Même s'il était compétent. Hata kama alikuwa na uwezo. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendwa. La compétence. Kuwa na uwezo. On la travaille. Inajitumikaka. J'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Nous serons élevés parce que la saison est là. Tutainuliwa sababu ni majira yetu. Le capital confiance vaut mieux que la compétence. Kuaminiwa ni nzuri kuliko kujua. Tout le monde peut travailler la compétence. Kila mtu anaweza kutumika ili kwamba ajue. Tout le monde peut travailler la compétence. Kila mtu anaweza kutumika na tajua. Il suffit qu'on te mette dans une discipline. Wakuweke tu mutaratibu. Où tu as une documentation. Ambapo una vitu yote ya maana. Tu manges bien. Unakula vizuri. Tu dors bien. Unalala vizuri. Mon frère, ma soeur. Kaka dada. La chanson que tu chantes là. Hii wimbo mboko naimba hapa. Tu la chanteras mieux. Utaimba tena vizuri zaidi. Il y a parfois on peut faire quelque chose. Unaweza kufanya kitu. On peut mépriser la qualité. Unaweza kudharau hali yayo. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que je fais pour manger. Lakini ujue ninafanya nini ili kwamba nikule. Tu ne sais pas comment est-ce que je me bats quand on dit amen amen. Comment je vais avoir les transports? Ujue wakati ibada naisha namna gani ndafika nyumbani. C'est pourquoi la prière du fond de mon cœur. Ndio maana maombi ya moyo wangu. Que Dieu te lève. Ni kwamba Mungu akuinue. Que Dieu nous élève. Mungu atuinue. Afin que nous puissions bien jouer notre rôle. Ili kwamba tufanye kazi yetu. Qu'est-ce qui arrive avec Ahithofeli? Nini nafika pamoja na Ahithofeli? Des rois chapitre 16. Wafalme wa pili 16. Le verset 20 au verset 22. Verset 20 na 22. Premier dégât d'Ahithofeli. Ubaya wa kwanza. Il va donner le conseil à Absalom. Akamwambia Absalom. Il va dire. Akasema. Va vers les concubines de ton père. Wende kwa wale wanawake wote wa baba yako. On va préparer une place sur le toit. Tutaandaa hema juu kwenye kakilima. Afin que tu sortes avec elle. Ili kwamba utoke na wao. Et que tu rendes ton père au Dieu devant tout Israël. Na umuhairishe mbele ya taifa yote. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Une personne rancunière. Mtu anayekuwa na chuki moyoni. Parlant d'Ahithofeli, je vois cette une race. Ahithofeli anakuwa kizazi. C'est toute une race. Ni kizazi. Des hommes et femmes. Ya watu. Même dans ce siècle. Hata kwa kizazi. Les Ahithofeli existent. Ma Ahithofeli wanakuwa. Ahithofeli vise à humilier le roi David. Ahithofeli anapenda kuairisha mfalme Daudi. Mais c'est toi qui étais proche de lui. Wewe ndiye ulikuwa kando yake. Vous avez partagé le même bilan. Mulichangia historia yote pamoja. Combien nous ne voyons pas des genres de personnes. Marangapi tunaona watu hapa. Même dans le gouvernement. Ndani ya government. Il suffit que le chef de l'État ne soit plus en fonction. Wakati raisi anatoka. Toutes les fautes reposent sur lui. Makosa yote wanambebesha. Comme si le chef de l'État était omniprésent. Kama jinsi yeye alikuwa mahali pote. Quand il donnait l'argent pour construire les ponts, qui bouffait ça? Wakati alipana mapesa ya kujenga vilalo, nani alikula? Le bilan doit être partagé. Inabidi makosa ichangiwe. Mais plusieurs wengi sont à côté des personnes. Wako karibu ya watu. Et ils sont prêts à trahir, à humilier même leur chef. Na wako tayari kusaliti viongozi wao. Et quand le nouveau arrive, wakati kiongozi mpya anakuja, nous changeons même le nouveau de la route. Tubadilishe hata majina ya mabalabala. Mobutu n'avait pas fait seulement du mal dans ce pays. Mobutu hakufanyaka mabaya tu mwa inchi. Non. Kuna mazuri amefanya. Il y a des bâtiments, pour ceux qui connaissent l'histoire, qui ont été construits à son temps. Kuna majengo amejenga mwenyewe na pesa ya mfuko yake. Mais toutes les routes, Mobutu efface, il faut X, Y. Pourquoi? Sababu gani? Il y a un problème qui arrive. Kuna shida inafika. Dans le système de fonctionnement. Ndani ya hali ya kutumika. Or un homme a dit, mtu mmoja alisema, un peuple sans histoire. Taifa wasiokuwa na historia. Est un peuple sans repère. Ni taifa ambao hawana mwelekezo. On a besoin de savoir, ça c'était au temps de tel. Hii ilikuwa ni wakati ya mtu fulani tunahitaji. Et ça aussi c'est au temps de tel. Na hiyo ilikuwa kwa wakati wa mtu fulani. Même dans les entreprises. Hata ndani ya makampuni. Même dans les familles. Hata ndani ya majamii. Vous trouvez des enfants. Mtakuta watoto. Proches. Walio karibu. Mais parce que le papa avait commis seulement une erreur. Lakini sababu baba alifanyaka kosa. Il n'avait pas payé le minerval. Akulipaka masombo. Ce sont les mêmes enfants. Wale watoto. Qui se liguent pour combattre leurs parents. Wanaungana kwa kupiganisha baba yao. Bien-aimés dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. Que les parents soient chrétiens. Baba awe mkristo. Que les parents soient païens. Awe mpagani. C'est ton père, c'est ta mère. Ni baba yako na ni mama yako. La Bible dit. Biblia nasema. Obéissez aux parents. Heshimi mzazi. Je n'ai pas dit aux parents chrétiens. Baba Mungu akusema wazazi wa Kristo. Il y a d'autres même qui veulent dire moi je n'ai pas de parents, c'est seulement mon pasteur. Non, nous avons des parents biologiques. Wengine wanasemaka mimi sina baba, sina mama, nina mchungaji tu, hapana, tuna wazazi wetu. Parce que même le pasteur a ses propres enfants biologiques et des enfants spirituels. Hata mchungaji ana wababa, ana watoto wake wa damu na watoto wa kiroho. Mais qu'est-ce que nous vivons? Tunaishi nini? Un mauvais système de fonctionnement. Hali mbaya ya kuwa. Il veut humilier le roi David. Anatamani kumuairisha mfalme Daudi. J'aimerais dire mes frères et sœurs. Natamani kusema ndugu zangu. Un rancunier. Mtu anayekuwa na premièrement, jambo la kwanza. Il vise ton humiliation. Anavizia kukuangusha, kukuhairisha. Et cette humiliation, il ne le fera pas en cachette. Na ataificha. Pourquoi? Sababu gani? Parfois il te maîtrise bien. Anakujua wewe wote. Il connaît bien tes faiblesses. Anajua madhaifu yako. Il va seulement les exposer un jour. Atazionesha siku moja. Que Dieu nous corrige ce soir. Mungu atutengeneze. Que Dieu travaille sur nous. Atumike juu yetu. Qu'est-ce qu'Achitofeli va faire? Nous voulons prier. Achitofeli alifanya nini? Deuxième dégât d'Achitofeli. Makosa yake ya pili. Des Rois chapitre 17. Wafalme wa pili 17. Verset 1 au verset 4. Versi ya kwanza hadi ya 4. Achitofeli va donner le conseil au roi. Achitofeli akamshauria mfalme. Absalom. Absaloma. Il dit non, moi je sais, je vais aller surprendre le roi pendant qu'il est fatigué. Akasema nitakuta mfalme wakati amechoka. Qu'est-ce qu'il vise quand vous lisez cette portion? Anavizia nini? Il vise la mort physique de David. Anavizia mfalme Daudi awa. J'aimerais dire à quelqu'un. Namwambia mtu. Une personne rancunière. Mtu anayekuwa na chuki. Si n'arrive pas à t'humilier, kama akuhairishe, il finira par arrêter ta vie. Atakuwa. Ce qui est caché en lui, c'est la vengeance. Il peut sourire bien. Il peut sourire bien. Mais la vengeance est là. Lakini hiyo kisasi il a dit et l'a fait. Alisema. Je cherche une occasion. Bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu corrige notre système de vengeance. On va continuer demain par la grâce du Seigneur, inclinons nos têtes dans la prière. Tutendelesha kesho tunaweza kuomba Mungu. Bien aimé, chacun de nous sera en train de prier. Kila mmoja atakwenda kuomba Mungu. Tu seras en train de dire à Dieu. Utakokiambia Mungu. Tu connais mieux mon système de fonction. Unajua vizuri hali yangu ya mitumikio. Tu seras en train de dire à Dieu. Tambia Mungu. Corrige mon système de fonction. Tengeneza hali yangu ya kuwa. Bien aimé dans le Seigneur, c'est possible. Inawezekana. Qu'on fonctionne correctement. utembee vizuri. C'est possible. Inawezekana. Qu'on fonctionne correctement. Tu tembee vizuri. Bien-aimé, lève ta voix et commence à prier. Paza sauti ya kuanza kuomba Mungu. Bien-aimé, demande à Dieu. Anza ambia Bwana. Une vie qui a un sens. Maisha inayokuwa na mafaa. C'est une vie qui travaille sur son système de fonctionnement. Ni maisha inayorejesha hali na mitumikio yake. Bien-aimé, chaque système a ses produits. Kila mitumikio inakuwa na matokeo yake. Eh, bien-aimé, chaque système a ses produits. Kila mitumikio inakuwa na mambo yake. Bien-aimé, nous avons besoin de fonctionner correctement. Tunahitaji kutembea vizuri. Bien-aimé, nous avons besoin de fonctionner correctement. Tunahitaji kutembea vizuri. Bien-aimé, j'ai besoin de fonctionner correctement. Nahitaji kutembea vizuri. Il faut qu'on soit élevé. Tunapashwa inuliwa. Mais la base même des élévations, msingi wa kuinuliwa, c'est le bon système de fonctionnement. Ni hali njema ya mitumikio. Lorsqu'on fonctionne correctement, unapotembea vizuri, la vie montera. Maisha yako itapanda. La vie montera. Maisha yako itapanda. Si tu as quelqu'un, la vie montera. Maisha itapanda. Lorsqu'on travaille correctement, unapotumika vizuri. Bien-aimé, demande Dieu. Omba Mungu. Je n'aimerais pas quitter ce soir. Sipendi toka magharibi avec ce fardeau. Na mzigo huu. Travaille-moi. Tumika moyo wangu. Travaille-moi. Nitumike. Corrige-moi. Nirejeshe. Corrige-moi. Nirekebishe. Corrige-moi. Nitengeneze. Corrige-moi. Nitengeneze. Corrige-moi. Nirejeshe. Corrige-moi. Nitengeneze. Corrige-moi. Nirejeshe. Oh Seigneur. Bwana. J'ai besoin de toi. Nakuhitaji. Ne fais plus ça. Nakatahi. Toujours un mauvais témoignage. Ushuda mbaya kila siku. À tout moment c'est moi. Kila mara ni mimi. S'il y a un mal. Kama pana ubaya. Dans la famille. Ndani ya jamaa. On ne citera pas plus de deux personnes. Hawatataja watu wawili. Sans me citer. Pasipo kunitaja. S'il y a un mal. Kama pana ubaya. Dans l'entreprise. Ndani ya kampuni. On ne citera pas plus de trois. Hawatataja watu tatu. Sans me citer. Pasipo kunitaja. S'il y a un mal. Kama pana ubaya. Même dans le département, on ne citera pas deux. Ça me doit être. Bien aimé, demande à Dieu. Bien aimé, demande à Dieu de travailler, de corriger, de corriger. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Seigneur, corrige-nous. Bwana nitengeneze. Seigneur, corrige-nous. Bwana nitengeneze. Seigneur, corrige-moi. Nitengeneze. Eh, Seigneur, corrige-moi. Bwana nitengeneze. Corrige-moi, Seigneur. Nitengeneze, Bwana. Enlève l'orgueil à moi, Seigneur. Ondoa kiburi ndani mwangu. Le refus des reproches. Kukata. Le refus des consignes. Kukata kutii maelekezo. Bien-aimé, quand tu pries, unapomba, tu cites certains produits toxiques. Taya sumu fulani ndani mwako. Ça détruit une vie. Zinabomoa maisha. Et ça empêche une vie. Zinazuiza maisha. À distiller son sens. Kuondoa hali yake njema. Les produits toxiques. Izo sumu. Que Dieu nous corrige. Bwana tutengeneze. Que Dieu nous corrige. Bwana tutengeneze. Que Dieu nous corrige. Bwana atutengeneze. Que la rancune. Chuki. Quelqu'un avait dit. Mtu alisema. Je ne vais pas pardonner. Sitasamehe. Bien aimé, présente ce fardeau à Dieu. Onyesha mzigo huo. Présente ce fardeau à Dieu. Onyesha mzigo huo. Tu ne seras pas allé loin. Avec la rancune. Pamoja na chuki. Que Dieu nous travaille. Bwana tutumike hapo. Que Dieu nous travaille. Bwana tutengeneze. Que Dieu nous travaille. Bwana tujenge upya. Que Dieu nous travaille. Bwana tujenge upya. Que Dieu nous travaille. Atujenge upya. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Nous voulons clôturer. Tunatamani malizisha. Après cette bonne requête. Où nous serons en train de mûrir ces choses même à la maison. Prends seulement une minute. Dans des programmes comme ça, nous venons pour des choses. Nous venons écouter Dieu et nous venons parler à Dieu. J'aimerais que quelqu'un présente ses requêtes pendant une minute. Pendant que notre papa s'avance, commence à prier. Anza kuomba. Tu es venu dans ce programme avec un fardeau. Umekuja kwenye mkutano huu na mzigo. Faut que Dieu te visite. Mungu anapaswa kutembelea. Bien aimé dans le Seigneur. Mupendwa katika Bwana. C'est possible. Inawezekana. C'est possible. Yawezekana. Continue à prier et présente ça à l'Éternel. Endelea kuomba na kuonesha itakapo. Le Seigneur est là et la grâce est là. Bwana iko hapo na neema yake ni hapo. Alléluia. Levons-nous ensemble, s'il vous plaît. Tous y marchons. Levons-nous, s'il vous plaît. Je bénis Dieu pour cette parole. Namshukuru Mungu kwa neno hili. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Tu vas dire, Seigneur, utambia Bwana, cristallise cette parole dans mon cœur. Shimika neno hili moyoni mwangu. Rends active cette parole dans mon cœur. Fanya kwamba neno hili litumike moyoni mwangu. Prions le Seigneur. Hebu tuombe Mungu. Seigneur, tu connais mon cœur mieux que moi-même. Seigneur, tu me connais. Je veux vivre cette parole. Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, voici mon cœur. Je ne saurais pas aller loin, Seigneur, si tu ne me transformes. Qui me fera confiance si tu ne me transformes? Si tu ne me changes? Change-moi, Seigneur. Que ta puissance touche mon cœur, mon esprit et mon âme. Touche-moi.